Há de tudo nas previsões para amanhã: sol, nuvens, mas também aguaceiros. E na Madeira, o dia vai ser cinzento, com aguaceiros fracos, sobretudo à tarde, nas vertentes norte e nas terras altas. A esta hora, 19 graus em Ponta Delgada, estão 22 em Lisboa e no Porto, 23 em Faro e no Funchal. Edição das 6 com Mário Rui Cardoso. On the Rocks, c'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à casser vos merdes? Tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. I'm the gun, I bet you know. Wow! On the rocks! Wow! J'ai une pêche, les gars. Wouh. Bonsoir, c'est Manu dans The Rocks. Oui, je sais, c'est, l'émission a beaucoup sauté ces derniers temps, mais ce soir, je vais vous proposer 3 émissions en une. Pas mal quand même pour se rattraper. Je suis avec vous, je suis très content de vous retrouver ce soir pour The Rocks pour 1h30 de musique. Il y aura pas mal de choses à dire, vu que j'ai avec moi le grand, l'immense Mathieu Dufault. Bonsoir. Bonsoir Manu. Il va y avoir Silvio Berlusconi aussi qui devait venir, il est un peu en retard. Oh, quel dommage. On va laisser ouvert. J'avais 2-3 choses à lui dire. Moi aussi. Avec les mains. Nous sommes donc à quelques encablures de la fin de la saison de l'Astrolabe. Il reste quelques beaux concerts à venir et un festival pour les chiards. On en reparlera juste après. Festival mythique désormais. Et puis il y aura Hop Hop Hop qui viendra à la rentrée. Et ça, on va en causer un peu en long, en large et en travers avec Mathieu ce soir. Et puis on commencera à dévoiler un peu la programmation du premier, comment on dit? Première partie de saison? Du dernier trimestre de l'année, du premier trimestre de la saison. Ouais. Voilà, c'est ça. on va commencer, on peut dévoiler, on peut causer, puisque c'est sur le site. Ah bah oui, globalement, il y a une bonne partie de la prog, il reste peut-être 2-3 concerts qui vont se caler, mais on est bien avancé. Ouais. Ah, on est pas mal. On va commencer avec le coup de cœur ce soir dans l'émission. C'est un artiste que je suis depuis des années, depuis mes jeunes années même. Pour moi, c'est un artiste vraiment majeur de l'histoire de la musique, et en particulier de l'histoire de la musique américaine. Il a été chanteur d'un groupe qui s'appelait The Nerves, au début des années 70, où il reprenait exactement, en gros, là où s'étaient arrêtés les Beatles juste avant de tourner psychédélique, et en leur donnant un influx un peu rentre-dedans comme ça. Et ensuite, il a créé et a chanté pour le groupe qui s'appelait The Plimsolls, qui a influencé une quantité incroyable d'autres groupes. Ça s'est appelé la power pop ou power rock, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'était assez fantastique. C'était du John Lennon, mais pur jus, avec les doigts dans la prise. Et puis après, ce monsieur qui s'appelle Peter Case a tout plaqué et a commencé à faire des albums plutôt roots, plutôt folk, mais toujours avec une voix absolument inimitable. Alors, il revient après une petite traversée du désert discographique avec 2-3 essais qui étaient un peu brinque-ballant. Il revient avec un sublime album. Alors, la voix est restée la même. Alors, moins écorchée qu'à l'époque des Plimsolls, mais c'est exactement la même voix. Alors, le physique, lui, se dégrade sérieusement. Alors, au contraire de Mathieu Dufault, qui a un physique de jeune premier. Bien aimable. Ça me fait plaisir. Eh bien, Peter Case revient donc avec un nouvel album qui est quasiment exclusivement piano-voix, ce qui est très rare puisque lui, c'est plutôt guitare. On va se passer un petit extrait, et puis le morceau s'appelle Ancient Sunrise, et puis ensuite, je vous dis pas, ce sera aussi piano-voix, mais à vous de reconnaître qui chantera. Ça, c'est donc 2 nouveautés dans The Rocks, et puis ensuite on plongera dans la programmation et de l'astro, et de Hop Hop Hop, et de à nouveau de l'astro. Vous en avez de la chance. Where the cuckoos were hiring in the juniper trees. We stole wild honey, got chased by the bees. Took the shortcut, never got home. Opened my eyes, I was alone. I saw you there, just you and me, in that ancient sunrise. Well, the shadows are deep, you can smell it, my rain. Wailing from that passing freight train. At the all-night station, we were siphoning fuel as that big red bar bounced up by the school. Just you and me, you and me. Began for a five-letter woman, four-letter man, couple of children caught by surprise. Some good things can happen if you at first you get wise. That ancient song. Well, there was a guy out to get me. Oh, he looked like a man. Well, he said I'd been kissing on his girlfriend, Luann. Took off to the shadows of night and left them there standing in that cold streak of light. Just you and me. Oh, you and me. That ancient sunrise. That ancient sunrise. Just you and me. Try to tell myself that we are through. trying not to fall in love with you. And all the nights seem so long, and the days how they linger on, all along. Is there nothing can be done? Am I the only one? I try to play it fairly, but you don't play by the rules. Why do I look for wisdom when it's just a game of fools? It's a lofty aspiration, yet it's one I must pursue. Trying not to fall in love. They put me on medication, but it wouldn't take. I tried to sever relations, but the bond wouldn't break. Tomorrow I'll awake and try to start my life anew. Trying not to fall, trying not to fall, trying not to. Morceau très étrange, Trying Not to Fall in Love with You. Alors, étrange parce que c'est pas l'habitude du monsieur de faire ce genre de morceau. On se croirait presque à l'opéra de Katsu, là. Ça t'a reconnu un petit peu ou pas? Connu le jeune homme qui chantait? Oui. Écoute, pas tant ça, mais j'ai bien apprécié le morceau, en tout cas. C'était Ben Harper. Ouais. Tiré du dernier album. Donc, le dernier album, Ben Harper, est vraiment, il revient à un classicisme qui faisait vraiment la classe de ses deux premiers albums. Guitare, voix, acoustique, apaisée, magnifique. Et puis, il y a ce morceau au milieu qui ressemble un peu à rien, mais qui le fait très bien, je trouve. Et puis, juste avant, c'était Peter Case avec Ancient Sunrise. Voilà, un des grands oubliés du monde de la musique et du rock'n'roll et qui, vraiment, pour moi, est une pierre angulaire de la musique américaine. On est avec Mathieu Dufaux ce soir dans The Rocks et c'est un vrai plaisir. On va parler donc de cette saison qui se termine un peu. Un de tes grands souvenirs de la saison qui va se terminer bientôt à l'Astrolabe. Un concert qui t'a fait flageoler de bonheur. Un concert qui m'a fait flageoler de bonheur, il y en a quelques-uns, mais qu'est-ce que je pourrais te dire? Je viens de faire le bilan 2022, donc j'ai plus des idées de 2022. Qu'est-ce qu'il y a eu comme concert? Il y a eu un concert. Il y a eu la venue de Penny chez Pigs. Pigs. Alors Pigs, c'est un concert plus de rock stoner, un peu gras, un peu voilà. Et Penny, que j'avais vu une première fois à la Boule Noire, qui est un groupe de Tours, et que j'ai bien apprécié en première partie, qui est un trio instrumental. Ça rend compte un peu de la connerie entre les morceaux. Ils sont assez drôles. C'est un trio composé d'une nana et puis de mecs. Et ça, c'était plutôt une bonne surprise. Je les avais vus en première partie de Sons, qu'on verra au pop-up cette année. Et il y avait eu un petit décalage en termes de son. Je trouve que le son façade était pas assez, il y avait pas assez de corps, là, au moment où je les avais vus. Et puis là, ça prenait un peu plus de sens à l'Astro. Donc ça, c'était plutôt une belle chose. Et puis, on a eu d'autres, mais là, comme ça, il faudrait que je triche un peu pour regarder ce qu'il y a eu pour te. C'est pas ton style. Je tricherai, si, je tricherai, ouais. Mais voilà, après, il y a eu, rappelons-le, en 2022, même si c'est, parce que c'était aussi sur la saison 2022-2023. Il y a eu le dernier concert de Mansitia qui pour le coup a été un groupe moi qui m'a marqué pendant, ouais, que t'as suivi pendant que j'ai suivi ouais, depuis t'as programmé beaucoup ouais. depuis le début la première ouais. fois c'était à 15h au tournée bistrophonique ouais. à la Croix Morin à la terrasse de la Croix Morin et depuis ils ont fait plein d'albums ils ont fait plein de parcours ils ont chacun aussi a suivi des routes parallèles. Ça se termine au bout de 20 ans, c'était plutôt voilà, ça je sais pas s'il fallait que ça se termine, mais en tout cas, même l'évolution sur le dernier album était plaisante à entendre, mmh. la direction qu'elles ont prise, les filles. C'est par ailleurs des femmes super sympas, et puis qui ont toutes les deux un parcours différent maintenant, mais avec un label derrière la chanteuse qu'elle anime pas toute seule, hein, qui s'appelle Warrior Records, dans lequel elle a signé Uzi Freja et plein d'autres femmes. Voilà, elle fait aussi de la musique de pièces de théâtre. La seconde est celle qui est plus au violon. Elle est à la fois, elle est dans un quatuor qu'elle a mis en berne un peu, qui s'appelle Vacarme, qui est un quatuor de à cordes. Elle accompagne aussi des pièces de théâtre. Elle fait commence à faire de la musique, voilà, sur des films, sur des petits courts métrages. Voilà, ça c'était un beau moment. Un groupe aussi qu'on aimait bien, qu'on avait failli venir à Au Pop-Up, puis qui avait dû annuler au dernier moment, du moins pendant le mois d'août. J'étais en vacances, je me souviens, donc j'avais fait une pause vacances pour trouver un autre groupe. C'était Cracklod. Cracklod, c'est des Canadiens anglophones, qui est un groupe que j'aime beaucoup, et qui ont pu enfin venir à Orléans dans le club de l'Astrolabe. Et c'était un super moment, c'était un bon souvenir, fidèle à ce que j'avais pu voir précédemment sur d'autres endroits, en festival en France et ailleurs. Donc voilà, parfois on a envie de les faire à un moment T, et puis pour des raisons X ou Y, soit ils sont pas disponibles avant l'annonce, ou soit ils sont indisponibles pour d'autres raisons après l'annonce. Et l'idée, c'est qu'ils puissent venir à Orléans, à la rigueur, qu'ils viennent même dans une autre salle. L'essentiel, c'est qu'ils viennent à Orléans, parce que je serais quand même allé les voir. Donc voilà, ça c'est des bons moments que j'ai gardés. Un souvenir aussi chouette, là, qui était assez récent, c'est... on a renouvelé l'organisation d'un concert programmé et préparé de A jusqu'à Z par les bénévoles. Donc c'est la fameuse Tim Burton qui s'est montée, tous animés par la musique, et qu'on programmait un groupe de hip-hop en première partie, qu'on avait pu voir à Au Pop-Up, et puis un groupe de rock, et puis avec des blind tests au cas où. Ou une DJ qui passait des 45 tours en 33 tours, et il fallait reconnaître voilà des morceaux de rock, des morceaux connus. Bonne ambiance, super soirée, et puis content que ça puisse se refaire. On avait fait une pause avant le confinement, donc on va renouveler ça. Et puis c'est aussi le choix des bénévoles, et puis de l'Astro d'accueillir des projets divers et variés. Il y a un projet de fanzine aussi qui est en train de naître un petit peu, voilà. Donc aussi de proposer au-delà, ils peuvent servir des bières, donner des cartes d'adhésion, des cartes d'abonnement, faire de la vidéo, de la photo, aider au montage aussi sur deux festivals. Mais il y a aussi d'autres activités, et là c'est eux qui ont proposé de renouveler ça. Le fanzine il va être animé par les bénévoles, donc c'est pas nous qui l'animons, c'est vraiment eux qui vont définir comment ça va, quel angle, est-ce que ça va être du papier, du numérique, du machin, etc. Donc voilà, la vie associative reprend un peu de couleur après ce confinement qui a un peu mis de côté à la fois les concerts, la vie associative, toutes nos sorties, voilà. Et ça fait plaisir, ouais. C'est chouette. Ça fait du bien. On va se tourner vers l'avenir maintenant. On va laisser le rétroviseur avec le festival pour les mômes qui arrive. Ça sera le samedi 17 juin, dimanche 18 juin, toujours sur la base de loisirs de Chessy. Ouais. Ça devient une référence maintenant, ce festival. Ça s'appelle Égamin. C'est programmé par vous-même, monsieur Dufault. C'est programmé par Julie Delannoy et Mathieu Dufault. Ah, bah oui, Julie, voilà. On embrasse, évidemment. On pourra ouïr Pascal Parizeau qui était là dès les premières éditions. Lui, Pascal Parizeau était là depuis longtemps. Ouais, il est venu effectivement à des éditions des gamins. Il est venu aussi au Théâtre Jarre Philippe. Ouais. Et il devait venir l'année dernière, mais il a dû annuler sa venue pour raison de Covid, mais voilà, comme par hasard. Et donc là, il sort un album qui est plutôt un best-of, ouais, de toutes ses compositions. C'est quelqu'un qui écrit bien, on le connaît tous, hein, très bien, ouais. Voilà, et qui fait partie des bons chanteurs pour le jeune public. Donc ouais. Voilà, c'est chouette de le retrouver à Égamin après quelques années. Voilà, on l'avait pas vu. Et puis c'est à la fois des noms un peu reconnus pour ceux qui écoutent un peu de jeune public, et puis à la fois des trouvailles que peut faire Julie, des animations assez rigolotes, parce qu'on renoue avec le concours de cri de gamins, les chaises musicales. Ah oui, le grand concours international de chaises musicales quand même. Ouais, c'est ça, animé par trois Belges, ah oui, qui sont là depuis des années et qu'on aime beaucoup. T'as jamais gagné ça? Comment ? T'as jamais gagné ça ? J'ai participé l'année dernière et effectivement, j'ai pas gagné. Ouais, je suis allé. Ouais. Ouais, j'étais parti. J'étais en duo avec je sais pas qui. J'avais les yeux bandés. Non, il faut travailler avant. C'est du boulot. Donc ça coûte combien ce festival les gamins ? C'est gratuit. Ben voilà, c'est pas cher. Voilà. Une bise effectivement à Julie, c'est l'occasion de la remercier pour tout le boulot qu'elle fait pour les écoles, parce que je vois aussi de l'autre côté moi ce qu'elle fait, de tout ce qu'elle fait pour la programmation culturelle et dans les écoles avec les petits, les moins petits et tout ça. Donc chapeau. Autre chose, c'est qu'à l'heure où on parle là, ils sont 60 choristes qui répète dans une chorale qu'elle a initiée avec une chef de chœur qui est instite comme toi et qui s'appelle Laetitia, qui est plutôt du côté de Sully. Et ils reprennent, en fait, ils choisissent collectivement avec Laetitia et Julie des morceaux du répertoire de la programmation de l'Astrolabe. Ils ont fait leur premier concert au FRAC. Ils vont faire leur prochain concert au Ponton, autour du Vérifié au mois de juin, là, autour du 20 juin, 22. Bordelois. Et ils ont un morceau de Mansutilla, deux morceaux d'Aloïs Sauvage, un morceau de Debout sur le Zinc, et un morceau des Hey Babies, un groupe de Québécoises. Et ils s'attaquent à d'autres morceaux prochainement. Et voilà, c'est parti, quoi. Et c'est un super bon moment parce que c'est à la fois, il y a les trois quarts des gens ont déjà mis les pieds à l'Astrolabe. Certains, c'était la première fois. Donc c'est aussi, ça leur permet de découvrir ce qui se passe à l'Astro. Et puis, pourquoi pas de venir après en concert. Et ça, c'est une action que mène Julie en tant que responsable de l'action culturelle et qui a beaucoup de sens par rapport à la prog et par rapport à la médiation que tu peux faire auprès de gens, parce que il y a beaucoup de gens qui, les chorales, on le vend en poupe depuis des années. Il y a plein de gens qui font de la chorale. Donc, il y a des chorales classiques, il y a des chorales. Et là, c'est plutôt un répertoire plus moderne. Et j'ai vu le premier concert, c'était chouette. Dans les turbulences du FRAC, là, c'était vraiment... les arrangements sont... Voilà, c'est différent. Et ils ont pu chanter deux morceaux devant Aloïs Sauvage pendant juste après ses balances. Et Aloïs a été super touchée. Elle aimait bien les arrangements. Elle a partagé après sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Je suis ultra sensible, la connexion artiste peut se faire de temps en temps. Et voilà, tu parlais d'actions auprès des jeunes, c'est aussi des actions auprès des moins jeunes que Julie mène. Elle est créative, elle fait plein de choses qu'on voit pas forcément autant que la DIF, même si elle essaye de faire des reports vidéo pour qu'on puisse valoriser ça. Mais il y a une action de fond et de terrain qui est menée par Julie qui est assez incroyable. Ouais, donc big up. Ouais, big up, vraiment. On va revenir à l'Astrolabe maintenant avec un des derniers concerts de cette saison. C'est quelqu'un qui est déjà venu. J'y serai avec grand plaisir. Il nous vient de loin, il nous vient de l'autre bout du monde. Un petit décalage horaire à prévoir. Il s'appelle John Butler. Il vient en trio cette fois. Non, solo. Solo cette fois, comme son album live qui vient de sortir enregistré à Paris. Il vient défendre son album live. Voilà, très bel album live. Là, on va se passer plutôt un extrait, un de ses tubes en trio, parce que les morceaux de l'album live font entre 8 minutes et 14 mois. Donc, pour ce soir, c'est un peu compliqué si on voulait passer à autre chose. Mais je vous conseille vraiment le dernier album de John Butler, qui était déjà venu à l'Astrolabe. Ouais, qui est venu il y a très longtemps en trio. La petite information pour ce concert, il a décidé qu'il n'y aurait pas de première partie, donc venez à l'heure. Ouais. L'ouverture des portes se fait à 8h30. Il jouera à 9h, venez en Bermuda ou en robe parce qu'il fait très très chaud à l'Astrolabe actuellement, c'est vraiment l'étuve. Mais voilà, c'est John Butler, c'est quelqu'un qu'on voit pas très souvent à Orléans en tout cas. Et, Australien, néo-zélandais. Australien. Et pour l'occasion, bah voilà, il avait une grosse tournée européenne. On a eu la chance d'avoir un samedi pour que tout le monde puisse venir. Et voilà, c'est plein, ça s'est vendu très très rapidement en fait. Donc ce sera le 24 juin, samedi soir. Voici One Way Road. Et puis vraiment, courez à. C'est parfois pas si éloigné de Ben Harper qu'on a entendu juste avant, mais pas dans la version piano, plutôt Ben Harper classique. Voici One Way Road. Ça sera le 24 juin à l'Astro. concert qui va être chaud. Donc, dans tous les sens du terme, ça sera John Butler le 24 juin. Ça sera à l'Astro. J'y serai. Alors, normalement, je vous avais parlé d'une petite interview. Ça risque d'être un petit peu compliqué. Ah ouais. Mais en tout cas, bah, il y aura un petit compte-rendu. J'en causerai, hein. Voilà. On va clore la saison de l'Astro et on va se projeter en septembre. Vous serez tout bronzé, normalement. Et vous vous rendrez en courant au festival Hop Hop Hop, qui en est à sa... Il en est à sa huitième édition. Huitième édition, tout à fait. Festival qui, bah, qui a pris une ampleur certaine et une certaine ampleur médiatiquement, tout du moins, et au niveau du public également. Le but est toujours le même, c'est-à-dire des artistes en développement. Il n'y a pas de grosses têtes d'affiche. Il y a plein d'artistes qu'on connaît un peu ou qu'on ne connaît pas du tout et qu'on va venir découvrir et qui par la suite exploseront à droite à gauche. C'est toujours le même principe. Il y a quand même un artiste qui où je me suis dit, ah, il est là, super, c'est David Walters, qui sera le samedi. On va commencer par lui, si tu veux bien. Le principe est toujours le même pour Hop Hop Hop, toujours plusieurs lieux. Ils vont changer, ces lieux sont... Alors, ils vont changer parce que l'année dernière, on avait pu renouer avec le théâtre, et puis on avait tellement renoué qu'on avait associé les trois salles, puisqu'il y avait tous les concerts de la programmation qui se déroulaient à la salle Jean-Louis Barrault sur le plateau. On avait aussi pu profiter de la salle Intro une vitesse pour la création Transmission, qui rassemblait Lionel Lacarrière de Vendôme, notre ami de Burriers, l'anglais, qui chantait, Johan d'Ezéchiel, et puis Ben Nero, qui joue également dans Ezéchiel et puis dans un projet solo, et Steven, qui était dans l'immersion sonore avec cette cabine téléphonique qui était au cœur, et les gens pouvaient tourner autour. C'était un projet qui va tourner, d'ailleurs, pour information, oui, qu'on verra aux Rocomotives, et ils ont trouvé leur producteur à Hop Hop Hop. Et il y aura... Parce que c'est un peu ça, ça a marché aussi, hein. Ouais, ah, ça, voilà, ouais, ouais, ouais, ça, ça, au-delà de, ça a vraiment intrigué le public. Il y en a qui étaient pas allés parce qu'ils étaient interrogatifs sur la première, premier concert de vendredi, mais il y avait deux concerts le samedi. Et en fait, bah, le bouche à oreille faisant, l'expérience sonore, elle est assez hallucinante. La venue d'une cornemuse aussi, puisqu'il y a un des anciens salariés de Figure Libre et Rocomotive qui a fait un feed de cornemuse qui joue dans un bagad. Et le morceau, il débarque des portes de l'entrée. Et c'était chair de poule garantie. Les créations, les compos sont magnifiques. L'album est sorti sur Figure Libre Records, pour information. Très bon label de Vendôme. L'idée, c'était de faire tourner. La sauce a pris entre les humains, musicalement, humainement. C'était pas forcément acquis, mais c'était des gens qui avaient envie de travailler l'un avec l'autre. Ils n'avaient jamais pu travailler ensemble. Et là, le producteur que j'ai croisé, c'est une productrice d'ailleurs, m'a dit qu'elle était sur une dizaine de dates, qui va s'espacer sur plus d'un an, hein, parce que c'est voilà, ils ont d'autres projets en parallèle, et puis que c'est pas un projet simple à accueillir, il faut du montage, il faut de la répète, il faut voilà, donc ça coûte aussi un petit peu d'argent. Ah, ça, c'est au théâtre, et du coup, plus de théâtre. Plus théâtre du tout, puisqu'il y a une reprise de création d'une des pièces de théâtre en plein milieu de Pop-Up. On l'a su un petit peu tard, mais on l'a su, et s'est dit que bon, on était bien embêtés, mais qu'on allait trouver des solutions. Tout chez moi, c'est trop petit. Et j'ai proposé mon appartement, mais c'était pas possible non plus. Et non, on va rajouter une deuxième scène au Campo Santo, qui s'appellera le micro campo, et qui est une scène 360 circulaire, qui est prêtée par le Centre chorégraphique national, sur laquelle habituellement ils mettent une bulle quand ils mettent des danseurs, des danseuses à l'intérieur ou des DJ. Là, il n'est pas question de bulle pour nous, mais elle alternera avec la grande scène du Campo Santo. Donc ce sera au centre. Ça sera pas au centre, ça sera à la place du H qui accueillait des DJ en fait. Okay. Donc ça, c'est la petite nouveauté. De Campo Santo. Comment ? Plus de Campo Santo. Ouais, plus de Campo Santo. Alors, on alterne groupe et DJ. Il n'y aura pas que des groupes sur cette scène-là. Et puis après, on reprend le Jardin de l'Évêché, la salle de l'Institut. Et puis, le Musée des Beaux-Arts est associé, puisqu'on y verra Xaméléon, qui est venu en première partie, November Ultra. Mm-hmm. Un beau concert, d'ailleurs. Oui, November, très, très, vraiment beau concert. Beau souvenir également. Et puis, lui, il viendra l'après-midi proposer un concert à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts. Et il y a une fanfare composée des Little Rabbits, d'une partie des Little Rabbits, des Von Parillas, de plein de groupes de Nantes, qui ont que des reprises de rock bien senties, bien choisies, avec un petit tracteur qui, dans lequel, sur lequel quelqu'un pédale, et une carriole dans laquelle il y a des enceintes et machin, etc. Et ils vont déambuler en ville, quoi. Ok. Voilà. Parfait. Voilà. Donc ça, ça a changé. Et puis après, après, c'est sur deux jours, comme d'habitude. Comme d'habitude. Donc, ce sera le vendredi 15 et le samedi 16 septembre. Ouais. Alors, je mets tout dans le désordre, hein. Tu me connais. On va commencer par le samedi 16 avec justement David Walters. On va se passer un extrait de son dernier album. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, quelqu'un que j'écoute beaucoup depuis longtemps. Et c'est assez varié, en fait, David Walters. Ouais. Il est marseillais, d'origine martiniquaise, si je dis pas de bêtises. Et donc, sur son dernier album, eh ben, c'est un petit peu, il y a de tout. On retrouve des morceaux avec Vincent Segal et Balaké Sissoko. Ouais. Avec qui il a fait un magnifique album de, où il a revisité ses titres. Et puis il y a des choses beaucoup plus entraînantes, beaucoup plus produites, beaucoup plus commerciales au sens bon du terme, bon du terme, noble, ouais, noble du terme. J'ai choisi le morceau avec Flavia Coelho qui s'appelle Dio. Ça risque de vous faire un petit peu danser cet été sur les îles grecques ou ailleurs. Donc ça, c'est le samedi 16 septembre. Il fera encore chaud et David Walters, bah, c'est une bonne prise. Ouais, c'est plutôt une bonne prise parce que ça fait partie des artistes que, bah, qui sont peut-être un peu plus connus, les plus connus dans la programmation de cette année. Il y a aussi, il est passé à la Sardine, quand ça s'appelait encore la Sardine, où il avait laissé un souvenir mémorable, super concert, voilà. Et comme tu le dis si bien, c'est à la fois de la musique chaloupée, caribéenne, soul, tropicale, et des choses plus calmes, plus profondes, où il y a vraiment des moments, ouais, un peu plus jazz, entre guillemets, ouais, mais ultra fin, très bien, bien, super bien entouré. Ouais. Et donc voilà, c'est nous, on a toujours à cœur de proposer de toute manière plein de musiques différentes. Donc cette musique-là a lieu comme d'autres musiques, comme du rock, comme des murs de son et des choses plus chansons, voilà. Alors ça va être un très beau moment. David Walters, Flavia Coelho, c'est tiré du dernier album qui est sorti il y a quelques semaines de cela. Ça s'appelle Dio. genre. Ça sera, j'imagine, sur la grande scène du jardin de l'évêché. On est en train de définir les scènes, donc c'est soit celle-là ou soit le compo. Soit le compo, oui. Ouais, c'est ça. On sait pas encore. Ah, c'est pas dans ton salon, quoi. C'est faut de l'espace, quand même. Non, ils sont pas si nombreux que ça, mais il faut surtout de l'espace pour le public. Bouger, oui, ça va bouger. C'est clair. Ça sera donc David Walters. Ce sera le samedi 16 septembre. On est toujours dans le festival Hop Hop Hop avec Mathieu Dufaux. Et alors il y a des découvertes souvent à Hop Hop Hop. Moi, il y a un groupe que je ne connaissais pas. Alors David Walters, je connaissais, mais que je ne connaissais pas, qui m'a attiré l'oreille immédiatement. Je suis allé fouiller un peu et c'est bien beau, ça s'appelle Back and Forth, le morceau c'est Broken Chairs, on va se passer ça maintenant, je crois que c'est leur dernier morceau qui vient juste de sortir. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ce sera le vendredi 15. Eux, c'est un trio issu de la région centre qu'on suit depuis, moi je suis depuis deux ans, trio folk, pop, voilà, mais on les avait accueillis en résidence il y a un peu plus d'un an. Mmh. Et puis je les avais revus, j'avais vu en concert bien avant, donc j'avais hésité déjà l'année dernière à pouvoir les faire, et puis pour les avoir vus en résidence il y a moins d'un an d'ailleurs à l'Astro, je me suis dit que c'était le bon moment pour eux. C'est de la folk, pop, un peu folk un peu americana, chouïa, intimiste, voilà. Un couple et puis une deuxième musicienne qui l'accompagne au percu. On a prévu de les accueillir à la salle de l'Institut, voilà, parce que c'est un peu le lieu un peu idéal là-dessus. Et voilà, c'est le moment aussi sur ce festival-là, parce qu'on a une richesse de propositions région centre. Alors l'idée, c'est pas forcément de faire des groupes de la région centre pour faire des groupes de la région centre, c'est de savoir aussi quel est le moment un peu opportun pour eux, soit parce que alors il y a une actu ou pas. On fait aussi des artistes dont les albums sortent un mois après au pop-up. Mmh. Je prends l'exemple de Nadine Coury qu'on avait accueilli l'année dernière, dont l'album est sorti un mois ou deux mois chez Talitre Records l'année dernière. Il peut y avoir un coup de cœur et se dire on y va. Voilà, on n'est pas lié à forcément la machine à promotion de l'album. Black Seed a eu, c'était un peu hors actualité. Ouais, c'est ça. C'est un avantage aussi. C'est pas forcément être souscrit à cette règle un peu commerciale. Après, quand il y a la promo, elle est bienvenue parce que ça veut dire qu'il y a des gens derrière, pour ceux qui ont la chance d'avoir un ou une attachée de presse qui bosse, qui font connaître le groupe auprès des auditeurs, auditrices. Donc voilà. Mais là, ça fait partie. Là, ils ont quand même des nouveaux morceaux, donc un répertoire qui s'est affiné. Donc des nouvelles pour ceux qui les ont jamais vus et pour ceux qui les ont déjà vus, voilà, des nouvelles compos. Et on aurait pu aussi les accueillir en première partie de l'Astrolabe, s'il y avait eu Aléla Diane, par exemple, qui passait. Voilà. Ça peut venir. Soyez sous vos gardes. Ça peut venir. L'écueil de ce genre de projet, c'est que ça sonne très Frenchy, qu'essaye de faire américain. Et là, franchement, on n'y voit que du feu. Ouais. Ça ne dépareille pas. Voici donc Back and Forth. Ça sera le vendredi 15 septembre. Ce sera dans Hop Hop Hop avec Broken Chairs. I run around after the words I can't say. The ones I wish I could share today. I wanna lie until the ID's in my head. Smash on the ground, vanish in the broken chairs and glass and pieces, not fair enough to the keys. Rules unspoken and nice frustrations echo. Neighbors, the sun's getting down. I run around after the words I can't say, the ones I wish I could share today. I wanna lie until the ID's in my head, smash on the ground, vanish. Oui, ça le fait bien. Je vais essayer de les attirer un peu dans mes filets. Par exemple. Ouais. Ça pourrait être pas mal, dans, direct dans les studios, je ne sais pas, un jour, une petite émission spéciale. Bah ouais, voilà. Ils sont pas loin, en plus, ils passent dans le coin, ouais. Donc voilà, ça s'appelle Back and Forth, très belle découverte, en tout cas, de ce festival au pop-up à venir, c'est Broken Chairs, ça sera le vendredi 15 septembre, et on va rester le vendredi 15 septembre avec Etran de Lahir. Ouais. Alors là, faut que tu nous en dises un petit peu plus. Etran de Lahir, bah, c'est un groupe du Niger. Lahir, c'est une région du Niger d'où viennent ce groupe-là. Et c'est pas Lahir en Gâtinais. Hein. C'est pas Lahir en Gâtinais. Mmh. C'est Lahir avec un tréma sur le i. Et c'est du rock avec ses voix sahariennes assez perchées, assez entraînantes, avec une espèce de transe. Qui fait penser à pas mal de groupes qui peut être maliens ou nigériens qui savent bien vraiment faire ça, peut-être un peu plus de guitare que les autres, que Tina Riwen ou d'autres choses comme ça, mais voilà, c'est aussi l'opportunité aussi de les avoir dans ce festival là parce que ils ont par contre une très très grosse tournée parce que c'est marathoniens ça fait 25 ans qu'ils existent, mais ils ont pas commencé à tourner dès 25 ans puisque ils ont commencé par faire de la musique pour le bonheur, faire de la musique et puis à animer des mariages, à animer plein de cérémonies au Niger. Et puis il y a sûrement quelqu'un qui est passé par là qui a dû assister à leur musique et qui leur a dit écoutez, moi j'ai envie de promouvoir votre musique à l'extérieur du Niger, donc ce qu'ils arrivent à bien faire. Et donc voilà, c'est aussi ce genre de pépites là, en tout cas musicales, proposer une alternative à des genres plus répandus, en tout cas sur certains festivals, et nous on a à cœur de laisser de la place là-dessus. Alors après, faut qu'ils puissent être là à ce moment-là, parce que bien souvent ils habitent pas en France, donc voilà, ils font des kilomètres pour venir jusqu'à nous. Mais voilà, et ça ça fait partie des groupes comme Koutou dans un autre genre, comme Nana Benz du Togo, comme Jupiter en Quest il y a quelques années, que vous avez pu découvrir. Qui mettait la première pied sur Orléans ou la première fois pas Koutou parce qu'ils sont déjà venus à scène nationale. Et ça fait c'est marrant parce que c'est des groupes qui ont pas tous hein, mais Jupiter No Quest, ça, même les gens qui pouvaient écouter du métal ou des choses qui étaient pas leur là, ils ont été un peu subjugués par la prestation du concert. Je suis pas sûr qu'ils écouteront Jupiter en EQS tout le temps après le concert, mais en tout cas ils ont passé un bon moment. Ouais. Et Bénin International Musical, ouais. Ouais, c'était aussi un grand moment. Ça c'est un grand moment qu'on a refait à un festival organisé par la ville là, il y a deux ans. Moi je suis assez friand de ce genre de musique et je vais en voir, je vais en écoute, donc il y a pas de raison qu'il y ait pas de la place au même titre que le rock, que le hip-hop, que l'électro, que le rap, etc. Donc voilà, Etran de Lahir, ils ont plein d'albums, donc vous pouvez vous perdre dans leur playlist, c'est assez magnifique. Eh ben j'ai choisi le morceau Nak Deranin, qui pourrait se traduire par est-ce qu'on pourrait monter un peu la clim. Thank you. Mathieu Dufaux, pardon, ici présent, vous a conseillé de venir en Bermuda et en petite robe pour le concert de John Butler qui aura lieu à l'Astrolabe. Donc pour ce concert de Être Anne de Laïr, je vous conseille de venir nu. C'est Nak Deranin, on vient de se le passer, c'était vendredi 15. Donc on va voir le nombre de gens qui écoutent cette émission. Ça va être un peu un test. Ça va être médiamétrie en chair et en poil. Ils ont gagné l'occasion de faire une chorée dans l'émission de Manu Bourdier. Exactement. Le lundi suivant. Tout à fait. Filmé et mis sur le site. Il y aura du rock quand même à Hop Hop Hop. Ouais, et il y en aura le samedi 16 avec un groupe qui s'appelle Girls. Ouais. Girls. Sans eux. Sign of the Time, c'est pas le morceau de Prince, vous allez voir, c'est un petit peu plus, c'est un petit peu plus rentre dedans. Mais qui sont ces messieurs? C'est des Irlandais que j'ai découverts à Brighton, là, au mois de mai dernier, au festival Great Escape. Donc il y a des Irlandais qui vont à Brighton. Ah ouais, il y en a des Australiens, des Gallois, des Écossais, et puis des Anglais qui vont à Brighton, figurez-vous. Et donc festival qui a lieu sur 3-4 jours, dans lequel il y a plein de concerts dans des clubs inimaginables, des salles de concerts, des bars, des cafés-concerts, bref, c'est super. On parle de post-punk, de noise, de shoegaze. Alors c'est pas du tout dans le rouge comme certains groupes de post-punk qu'on a pu voir à Hop Hop Hop, mais qui sont bien également. Pour avoir vu, j'ai failli ne pas rentrer, mais coup du hasard, il y avait le membre de Dits qui organisait ce concert-là, qui avait joué l'année dernière à Hop Hop Hop. Qui me dit bah, qu'est-ce que tu fous là? J'ai dit, il regarde mon badge, je lui dis bah t'es au pop-up. Il me dit bah, c'était bien, j'y suis allé. Je lui dis ah bon, mais qui vous êtes? Il me dit bah j'ai joué, bah je vous avais joué avec qui? Je l'avais pas reconnu, c'était le chanteur de Dits qui était là, c'était drôle. Et puis on est rentré, on a loupé que un morceau et demi, et en fait c'est assez nuancé. Il y a un chanteur qui incarne un peu le groupe pas mal. C'est effectivement il y a du bruit, c'est un peu bruyant, mais il y a pas beaucoup de slow braguette quand même. Non, mais il y a plutôt des voix. Il y a sur la durée du set que j'ai vu, qui durait 40 minutes, ils mettent pas tout dans le rouge dès le début, quoi. Voilà. Et c'est ça qui m'a vraiment happé. Et on était avec un autre collègue qui fait le même boulot que moi ailleurs, et on est ressorti, on s'est dit waouh, il s'est passé un truc. Donc voilà, c'est le genre de groupe que tu peux découvrir in situ, quasiment pas chez eux, mais en tout cas dans un lieu ou dans un festival où on écoute énormément de rock, et on en a vu, je sais pas, une cinquantaine des concerts sur 3-4 jours. Celui-là est sorti du lot. Celui-là est sorti du lot, ouais. Bon, et ben c'est parti. Ce sera donc ça, je pense que ce ne sera pas l'Institut. Non. Ah, tu vois. Ça s'appelle donc Sign of the Time, ce sera le samedi 16 septembre à Hop Hop Hop. side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. It's just a side of the time. C'était donc Ghouls avec Sign of the Times. Ce sera en concert à Hop Hop Hop le samedi 16. On ne sait pas encore où. Non. Mais on va bientôt savoir. Oui, ça ne va pas tarder à savoir. Les Early Birds sont passés, partis assez vite comme d'habitude. Et donc maintenant... Maintenant, place à la billetterie normale. Passe deux jours, passe un jour et puis passe pour les abonnés. Si vous êtes abonné ou vous ne l'êtes pas, vous pouvez vous abonner et vous profiter du tarif Early Birds. Voilà. Et il y a aussi des passes pour les enfants. Ok, nickel. On va continuer avec cette programmation, toujours le samedi 16. On va calmer un peu l'ambiance avec quelque chose qui m'a un peu intrigué. Je pourrais pas dire que tout m'a plu sur l'album, mais il y a la voix en tout cas est assez assez significative. Et sur ce morceau-là, je trouve que ça le fait vraiment bien. Ça s'appelle Ada Oda. Là non plus, ça vient pas du Gâtinais et c'est la Mascara, le morceau qu'on va se passer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, mon cher? Oui, alors c'est une rencontre avec César qui est un des premiers musiciens de Brenz, groupe bruxellois. Qui a quitté Brenz il y a quelques années, et Brenz vient de s'arrêter il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour info. Et il a rencontré cette Belge qui chante en italien parce que tout simplement son papa, connu sous le nom de Frédéric François, est également italien, voilà, et donc elle a gardé sa langue paternelle. Et ils sont rencontrés, ils avaient envie de faire de la musique ensemble, et après ils ont constitué le groupe avec que des musiciens qui sont bruxellois également. Moi je les ai vus en concert, c'est super. Le charme de ce groupe là c'est effectivement la voix en italien, le chant italien éraillé, voilà, scandé. Il y a des morceaux vraiment que j'écoute à fond, et en live c'est assez rythmé, ça fonctionne très très bien, ils ont ça joue bien, c'est assez rock, ça rentre dans l'art un peu quand même. Et elle est chouette à voir, ouais, elle a vraiment cette voix particulière, et ça fait la richesse de ce groupe là voilà. Des groupes italiens, j'en ai écouté peu, et en l'occurrence là c'est ils sont bruxellois mais ils chantent en italien. Et moi, César, que je connais bien, parce que je connaissais bien j'aimais bien la première mouture des Brenz quand ils avaient pu venir une ou deux fois à Orléans, et puis pas que Orléans bien évidemment, mais donc on était toujours en contact. Lui, il travaille dans la musique mais il composait plus vraiment. Et puis il y a deux ans, il m'envoie cette ébauche de quelques compos en fait, quoi. Donc on a attendu que ça soit prêt pour qu'il passe la frontière, et puis c'est parti, quoi. Donc plaisir de le retrouver lui sur une scène. Et puis moi, je les ai vus deux fois, je les ai vus à Bruxelles et puis à Bourges, et à chaque fois c'était un super moment. Ouais. Et ben c'est parti, ça s'appelle La Mascara, ça sera le samedi 16 et ce sera au festival Hop Hop Hop. Dormo bene, mi sveglio la notte, perdo tempo in banalità, a fissare il soffitto, mi perdo sempre in questa caduta, che mi sembra infinita, non c'è nessuno in questo mondo. Mi tratta da adulta, ma quando cala la notte dimentico tutto, mi rimetto la maschera della festa, la malinconia. C'était donc le festival au Pop-Up et avec Ada Oda avec la Mascara. Ils seront le samedi 16. J'ai choisi un dernier petit groupe sur cette sélection parce qu'il fallait bien faire un choix. Ça s'appelle Hippie Hourra avec. Alors c'est assez étrange parce qu'à la première écoute, une écoute un petit peu distraite, on pourrait croire que ça chante en anglais, mais pas du tout. Ça chante en français et c'est de la pop qui pourrait sonner très très bien anglaise. Ouais, et ils sont québécois. Ils habitent à Montréal. Ils sont sur un label qui s'appelle Simone Records qui sort de belles choses depuis quelques années déjà, avec qui on a des liens assez étroits puisqu'on y est, voilà, c'est des gens qui ont débarqué en France à plusieurs reprises, avec qui on a échangé sur leurs différents groupes, donc on suit. Hippie Hourra, ça c'est de la pop, c'est un peu, c'est un côté psychédélique. La voix, elle est voilà, quand on est face au concert, on s'aperçoit qu'il est québécois, donc voilà, il y a toujours ce dans les chansons, dans les groupes de rock québécois, il y a cette, entre guillemets, cet accent là qui peut fonctionner et chez nous dans nos territoires, et qui fonctionne pas toujours, pas parce qu'il y a l'accent, mais parce qu'il y a aussi le style de musique qui parfois s'exporte pas, tout simplement. Il y a des choses qui marchent uniquement chez eux, et comme chez nous, il y a voilà des groupes de Français qui voilà. Et je trouve que pour le coup, ils arrivent à associer plein de trucs à la fois du rock, des ils évitent aussi certains, il y a une personnalité qui va au-delà du Québec, de ce qu'on peut entendre là-bas, pour y être allé régulièrement et avoir vu pas mal de groupes. Écriture un peu décalée. Ouais, écriture complètement décalée. Groupe assez récent pour le coup, que j'ai vu à Rennes moi cet hiver, et voilà. Et on aura l'occasion de le voir deux fois à Orléans, puisqu'il se produira la semaine suivante au festival de Loire. Eh ben super, ça s'appelle Pinceau au tombeau, ça sera le vendredi 15, et c'est par ce morceau qu'on va clôturer un petit peu notre petit parcours hop hop hop. Je vous rappelle, ça sera le vendredi 15 et le samedi 16 septembre à Orléans, dans divers lieux, et les places sont déjà en vente. Les places sont déjà en vente, il y a il y a une playlist sur des plateformes de stream qui est accessible maintenant, il y a toutes les vidéos que vous pouvez aller voir sur le site hophophop.fr, et puis on va faire un teaser dans pas très longtemps, donc il y a déjà matière pour bosser, et puis pour écouter, pour découvrir. Bon, et puis n'hésitez pas à écouter l'émission que vous êtes en train d'écouter sur onthrocks.net. Yeah. C'était Ipiura dans On The Rocks avec le morceau Pinceau au tombeau. Ils seront le vendredi 15 septembre sur la scène du festival Hop Hop Hop. Allez, ma petite proposition, vous savez qu'en Mathieu Dufaux, j'essaie de lui faire écouter des petits trucs, des petits machins, des petits groupes, et parfois des grands groupes et des grands artistes. Et ben, j'ai eu le bonheur, je passe d'écouter cette émission assez rigolote. J'ai deux artistes qui, par hasard, se sont retrouvés chez moi sur la route de leur tournée. C'est Pollyanna, qui tourne depuis quand même pas mal de temps. Et puis, Ohio, qui est une jeune chanteuse qui vient de sortir un album qui est magnifique, qui s'appelle Bizarre Monde. Alors Ohio, elle a des morceaux folk où elle chante en anglais et c'est pas si éloigné de Bloomy que tu avais programmé, ça y ressemble même sur les morceaux folk, et puis des morceaux chantés en français, alors là avec une écriture vraiment décalée, assez près de l'écriture un peu dadaïste, voilà, et ces deux là tournent ensemble, l'une est sur le label de l'autre, et elles tournent ensemble, elles ont un double plateau, et leur complicité, alors sur l'album on a l'impression que c'est assez éloigné, et leur complicité est assez me fait plaisir à voir. Voilà, on va se passer un morceau, fallait choisir. Je vais passer un petit morceau de Pollyanna. C'est tiré de son dernier EP, enfin maxi EP, mini album qui vient de sortir. On s'est déjà passé ce morceau avec un clip bien sympa. Ça s'appelle Man Time. Je sais pas si t'as posé une oreille là-dessus. Non, mais il y a longtemps, mais j'ai pas posé sur les compos récentes là. Non. Ouais. Et puis je te conseille d'aller jeter une oreille sur Ohio. Assez prometteur, premier album, vraiment vraiment super. Une bise aux deux filles qui écoutent peut-être ce soir. Et voici Pollyanna avec Man Time. C'est Pollyanna, Isabelle, avec son dernier album. Ça s'appelait donc, je ne sais plus, j'ai un trou, oui, ça s'appelle Man Time. C'est à l'instant dans The Rocks. On va juste avoir le temps d'effleurer un peu la programmation de la du début, mais tu reviendras peut-être pour nous en parler un petit peu plus de façon approfondie. Ouais. Des très très belles choses qui arrivent. J'ai sautillé de joie en voyant la première partie de la programmation dévoilée. Alléla Diane, on en a parlé tout à l'heure. On aura peut-être le temps de se la diffuser. Inspector Clouseau, donc tu vas peut-être bien manger également. Girls in Hawaii, et ça fait vraiment vraiment plaisir de les voir revenir. Il n'y a pas d'album encore, mais non, c'est là suite à une proposition de l'AB, qui est une grosse salle de concert à Bruxelles. Ouais. Ils lui ont proposé de rejouer le premier album, et en fait ils se sont dit si on le faisait aussi dans d'autres salles en France qu'ils ont sélectionné eux-mêmes, donc on a eu la chance d'être dans la section, parce qu'on a des très très bons souvenirs avec les Girls in Hawaii depuis longtemps, notamment avec le chanteur, mais même le reste de l'équipe. Et moi je l'ai croisé je sais plus quand, et il me dit écoute, on est en train de monter ça, et on a, parmi la sélection, on a pensé à vous, parce que voilà, on avait envie de revenir. Donc ravi de les revoir. De toute manière, je quel que soit le moment où ils viennent, je suis toujours ravi. J'aime beaucoup leur musique. Vous le savez peut-être pas, mais voilà, c'est fait. Et, moi aussi, ça tombe bien. Et ouais. Et y a un album en préparation pour Et là, ils vont jouer ce premier album uniquement. Donc c'est un petit clin d'œil aussi en plus à. Alors c'est, je sais pas si c'est une mauvaise actualité, mais leur manager officiel qui était chez Nada Booking, qui les a accompagnés de leur première note de musique jusqu'à aujourd'hui, est décédé prématurément, ce monsieur, et c'est aussi grâce à lui et en plus des musiciens, des talents, qu'ils ont pu prendre le temps de se développer. Par sortir de Belgique et puis aller en France et nous faire découvrir tous les albums et toutes les belles compositions. Moi j'ai aussi des agréables souvenirs avec eux, la chorale, une chorale d'enfants qui avait repris un des morceaux sur l'album Everest, l'album dédié au batteur qui parce que c'est une route sinuée d'embûches et de drames et de deuil. Batteur de Girls in Hawaii qui était c'était un groupe très soudé, c'était pas un batteur de studio qui venait faire une tournée comme ça, c'est un vrai groupe de copains de longue date. Vous pouvez aller dans les archives dans TheRocks.net là après l'émission, vous allez fouiller où il y aura une interview de Girls in Hawaii qui date d'il y a bien longtemps, enregistrée à l'Astrolabe, et c'est justement le batteur qui répond à mes questions. Et donc il a et de très bons souvenirs à la fois, même lui tout seul, là où il s'est essayé, il a sorti un album solo en français. Et puis maintenant, c'est des gens chouettes. Là, le batteur, c'est le batteur d'Iti Tanita, qui a rien à voir musicalement, mais qui est également belge, mais plutôt de Liège. Donc voilà, moi, je suis content. Ça fait partie des groupes qu'on a, qu'on accueille vraiment avec plaisir, et puis c'est des groupes que j'ai écouté beaucoup et que j'écoute encore beaucoup. Moi aussi, il y a une fan du premier album qui écoute l'émission ce soir, qui à mon avis va bondir et réserver sa place immédiatement. Il y aura plein d'autres bonnes choses, on va peut-être pas avoir le temps ce soir de diffuser. Il y a un truc où je me suis mangé les roupettes, j'en ai plus, c'était Nick Waterhouse. Late in the Garden, donc j'ai sauté de joie, je me suis roulé par terre, j'ai hurlé à la mort, j'ai regardé la date, et évidemment je ne suis pas là, parce que j'ai fait des bouquins aussi, et des fois je suis pas là, et ça tombe pile à cette date là donc j'ai pleuré. S'il n'y a pas de date à Paris ou pas très loin d'ici, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, parce que ça, j'attendais ça avec grande impatience, quelqu'un que je suis depuis longtemps. J'ai choisi quand même ce soir de diffuser, peut-être qu'on aura le temps de diffuser quelqu'un d'autre, mais on se reverra en septembre, mon cher Mathieu, si tu le bien. Ouais, avec plaisir. Lee Fields qui revient, et quand même Lee Fields, c'est quand même la classe. C'est la classe intégrale. Si vous cherchez un beau costume, allez voir Lee Fields. Si vous cherchez une voix à la James Brown, parce qu'il a doublé quand même James Brown dans le film sur James Brown, c'est pas pour rien. Moi, ils m'ont proposé, j'ai dit non, j'ai dit qu'à demander à Lee Fields. C'est une voix assez extraordinaire. Alors si vous cherchez des choses un petit peu expérimentales, modernes, lui, non, c'est soul, funk, soul, mais soul vraiment, mais, et puis vraiment, il incarne vraiment la soul aujourd'hui. Il est et c'est là, ça doit être la troisième fois qu'on le reçoit. Là, il a commencé par jouer dans le club au départ, il y a très très longtemps. Et d'ailleurs, c'était les gens d'Inspector Clouseau, qui étaient tourneurs et qui n'étaient pas musiciens, qui jouaient dans un groupe mais un peu moins connu. Qui l'avait fait tourner. Qui l'avait tourné. Et tous les groupes de Dapton Records, dans lequel il y a eu Sharon Jones et d'autres groupes. Exactement. Je vous conseille d'aller également fouiller sur. C'est peut-être sur le Facebook de l'émission On the Rocks. Vous allez retrouver des photos de Lee Fields avec moi-même, et lui, il avait son sourire de chanteur de charme, de soul, et un t-shirt des Ramones. Ça vous raconte un peu le monsieur. Lee Fields avec You Can Count Me On Me, c'est tiré de son dernier single. C'est pas le single, c'est le deuxième morceau. Je le trouve un peu supérieur et un peu plus électrique, vraiment. Et puis si vous voulez en savoir un peu plus, interview de Lee Fields dans les archives on therocks.net. Un très bon moment, et ça c'est un bon concert, c'est classe, on peut pas dire autre chose, c'est classe. Nous sommes d'accord. Très très classe. Hi, this is Lee Fields on the rocks. Un instant dans On The Rocks, ainsi va bientôt se terminer. Il y a Rémi de la rédaction du sport qui vient d'entrer, qui a plein de choses à vous raconter. Cette émission spéciale Hop Hop Hop Astrolabe, merci beaucoup Mathieu. Merci Manu. D'être venu. Rendez-vous en septembre pour causer un petit peu plus de cette programmation. Et puis rendez-vous dans les allées de Hop Hop Hop. On va quand même terminer l'émission avec un petit hommage. Alors pas de Jean-Louis Murat. Jean-Louis Murat n'est jamais venu à l'Astrolabe. Non. Non, il est venu sûrement ailleurs. Voilà. Probablement. Avec un petit hommage à Tina Turner quand même, on pouvait pas faire ne pas faire un hommage à Tina Turner. Alors pour ceux qui ont avant notre âge, Mathieu, Tina Turner, bah c'est un peu les années 80, c'est un peu le syndrome Rod Stewart, c'est-à-dire que c'est pas le meilleur de sa période, mais c'était quand même une voix extraordinaire. Non, mais après on a fouiné, on a cherché, on a vu ce qu'elle faisait avant. Et ben allez écouter tous les disques de ses débuts, en particulier avec Ike. Alors c'était une période extrêmement malheureuse pour elle, et Ike était un sacré fumier, mais en tout cas musicalement c'était vraiment une période époustouflante, avec une voix extraordinaire. Donc on va se terminer par ça avec le Proud Mary, évidemment la reprise du Creedence Clearwater Revival, juste le temps que Rémi s'installe. Mon cher Mathieu, à bientôt, bonne soirée, salut. Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing, you see. We never, ever do nothing nice and easy. We always do it nice and rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy. But then we're gonna do the finish rough. It's the way we do Proud Mary. Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now. Left a good job in the city, working for my man every night and day, and I never lost 1 minute of sleep, and I was worried about the way the thing might have been. Big wind. Rolling, rolling, yeah. Rolling.